Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et c'est une émission pleine de romantisme que nous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous allons évoquer la reine des romantiques, la brillante Marie Dagou, en compagnie de son biographe, puisque Charles Dupéché est avec nous cet après-midi. Il est l'auteur aussi d'un récent ouvrage sur les liens d'amitié entre Marie Dagou et Hortense Allard. Charles Dupéché est pour la première fois notre invité, je crois, dans ce studio. Je suis ravi de le recevoir. Et vous allez nous raconter cet après-midi les liens amoureux entre Marie et Franz Liszt. En effet, après quoi nous irons faire un tour dans le château de la famille Dagou, puis nous reviendrons sur les origines d'une danse. Alors, ce ne sera pas la valse ni la polka, malgré Marie Dagou, une danse plus proche de nous, le charleston. Il ne manquait plus qu'un petit peu de neige pour que le tableau soit parfait. Nous sommes à la fin de 1832, donc au tout début de la monarchie de Juillet, dans un hôtel particulier de la rue du Bac à Paris. Sur le seuil de la porte apparaît une grande femme blonde de 27 ans. Elle est belle, elle est élégante, un peu frêle, elle n'est pas vraiment à l'heure, mais rien de grave, le concert auquel on l'a conviée a été de toute façon retardé. Son physique est tout aristocratique et il est, on peut le dire, de ceux qu'on remarque. Visage légèrement pâle, presque osseux, le nez un peu trop fort, peut-être elle dégage une certaine froideur, mais on peut soupçonner un tempérament qui est prêt à s'embraser. Certains la décrivent comme 6 pieds de neige sur 20 pieds de lave. Oui, le feu est là qui couve sous la glace ou sous la neige. Marie Dagou, c'est donc son nom, est l'épouse d'un aristocrate bontain, un comte de 15 ans de plus qu'elle, qui ne paraît pas vraiment l'épanouir outre mesure. Si Marie est présente à cette réception, en cette bien fraîche soirée de décembre, c'est parce qu'elle a fini par céder aux invitations répétées de la maîtresse de maison, qui est la marquise de Vaillé. C'est l'ultime occasion de voir chez elle une de ces attractions qui anime régulièrement le beau monde parisien, ce pianiste prodige hongrois, Franz Liszt, qui est âgé de 21 ans et qui, évidemment, est en train de mettre l'Europe en révolution. Marie a beau s'être fait un peu prier, elle ne va pas regretter d'être venue. Je cède la parole à Charles Dupéché. Quand Franz Liszt pénètre au salon, elle est foudroyée comme saint Paul sur le chemin de Damas. Du moins, c'est ainsi qu'elle entend léguer ses impressions à la postérité, et on la cite ici. La porte s'ouvrait et une apparition étrange s'offrait à mes yeux. Je dis une apparition faute d'un autre mot pour rendre la sensation extraordinaire que me causa tout d'abord la personne la plus extraordinaire que j'eusse jamais vue. Et d'enchaîner dans ses mémoires sur les grands yeux verts de mer, la physionomie souffrante, puissante du musicien, une démarche, écrit-elle, indécise et qui semblait glisser plutôt que se poser sur le sol, l'air distrait, inquiet. Quand Marie finit par pouvoir parler au prodige, elle est surprise par son abord facile. Il ne s'attarde guère avec elle. Il va passer à son instrument, à d'autres convives. Finalement, à la fin de la soirée, disons-le, elle est un petit peu frustrée. Elle aurait aimé l'avoir un peu pour elle. Et elle va trouver un moyen de recroiser cet être magnétique. La solution qui s'impose est la plus simple. Marie va proposer au musicien de participer à une réception dans son propre salon, celui qu'elle tient et qui est appelé à devenir l'un des tout premiers d'Europe. C'est la première d'une série de rencontres. Assez vite, un lien s'établit. Marie apprécie tout particulièrement la liberté de parole de ce pianiste, aux idées avancées. Elle est touchée par son charme, tellement propre à ses temps romantiques. Il est l'incarnation même du romantisme. Et tous deux se retrouvent aussi dans une certaine insatisfaction. Ce sont des personnes qui n'en ont jamais assez, d'une certaine manière, et qui sont toujours en quête de quelque chose. Au fil des mois, ils vont s'écrire, se rapprocher, les bornes de l'amitié sont repoussées et, disons-le, elles finissent par être dépassées. Ils s'attirent l'un l'autre irrésistiblement. Pour Marie, qui est mariée, qui est mère de 2 filles, sauter le pas de l'infidélité est une chose extrêmement difficile. Ce n'est pas évident, bien sûr. Elle nourrit des craintes. Elle est tiraillée par la culpabilité. Le comte Dagou, il faut le dire, n'est pas un mauvais homme. C'est même un bon mari. Mais ce qui devait arriver arrive, la liaison prend un tour charnel, les sentiments s'épanouissent malgré ou grâce à la contrainte du secret, parce qu'évidemment il faut faire tout ça avec le plus de discrétion possible. En octobre 1834, un drame vient s'immiscer dans la vie de Marie puisque sa fille, Louise, sa fille de 6 ans, est touchée par la maladie, fièvre terrible. Marie est là, impuissante auprès d'elle. Elle reste des jours et des nuits jusqu'à l'épuisement et les semaines passent et le diagnostic des médecins est sombre. En décembre, c'est l'agonie. C'est la mort de l'enfant et Marie est complètement dévastée. Dans l'épreuve, sa relation avec Franz est littéralement sa planche de salut. C'est la branche à laquelle elle se raccroche. L'hiver passe, une nécessité s'impose dans l'esprit des amants, tout quitter, tout laisser derrière eux pour aller vivre ensemble leur passion. Le fait que Marie se découvre enceinte va évidemment jouer un rôle, hein. Ça conforte sa résolution un peu folle. La comtesse commence à en parler à des amis, certains cherchent à la décourager et Franz lui-même n'est peut-être pas si décidé que cela. Mais Marie agit, elle est de ce tempérament. Il semble qu'elle parle à son mari, en tout cas, comme le relève Charles Dupéché, elle lui écrit « Je vais partir après 8 années de mariage, nous allons nous séparer pour toujours. Je n'ai aucun tort à vous reprocher, vous avez toujours été plein de cœur et de dévouement. Je ne me dissimule cependant aucun de mes torts et je vous en demande pardon sur la tombe de Louise. Votre nom ne sortira jamais de ma bouche que prononcé avec le respect et l'estime due à votre caractère. » En partant, Marie va perdre beaucoup. Vous imaginez que cette femme, cette dame établie, va perdre sa réputation, son statut, sa fille survivante, Claire, qui est âgée de 5 ans à peine. Mais que voulez-vous ? C'est irrésistible, c'est plus fort qu'elle. Le 28 mai 1835, Marie prend la route de Bâle. Là, elle retrouve Madame de Flavigny, sa mère allemande, qui ne mesure pas l'étendue de la situation. Elle croit encore que sa fille va passer la belle saison à ses côtés, puis c'est tout. Marie doit donc en passer par des aveux. Il faut qu'elle explique sa fuite et sa mère est sidérée. Elle réagit par des larmes, des supplications, des crises de nerfs. Seulement, Marie a soif de martyr, comme elle l'écrit. Elle y est prête. Elle rejoint Franz, son Franz, lui aussi venu à Bâle. C'est le moment, loin de Madame de Flavigny, loin de Paris, loin du passé, le moment du départ. Pour les amants, on peut dire que c'est une autre vie qui commence. Pour Marie, c'est peut-être la vie qui commence, en tout cas la vie qu'elle a choisie malgré tous les rites. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors Franck, cet après-midi, vous nous emmenez sur les traces d'un couple mythique de l'époque romantique, celui formé par Marie Dagout, futur écrivain connu sous le nom de Daniel Stern, et le pianiste Franz Liszt. Alors Marie a décidé de tout quitter pour vivre sa passion avec lui, ça on vient de le voir. Ils incarnent quand même tous les deux un idéal de romantisme. Est-ce qu'ils ont inspiré des personnages de la littérature ? Oui, bien sûr, notamment le roman Béatrix de Balzac, d'Honoré de Balzac. Mais dans Béatrix, les personnages de Béatrix de Rochefide et de Gennaro Conti sont des doubles de Marie et de Franz, incontestablement, mais transposés. Vous imaginez bien que Balzac a voulu modifier les choses. Simplement, il était très renseigné sur ce qui s'était passé par George Sand, qui, on va le voir, a été un temps assez proche du couple. C'était le principe même de la comédie humaine. Balzac voulait donner un écho, un miroir de son temps. Eh bien, on peut dire vraiment que ces deux-là, Marie Dagout et Franz Liszt, sont vraiment des gens de leur temps. Ils vivent une incroyable passion qui bientôt ne va pas tarder à se heurter aux réalités. N'allons pas trop vite, parce que pour l'instant, tout est encore très beau, très pur. Il y a eu l'étape bâloise, et puis maintenant, c'est ce voyage d'amour à travers la Suisse. Marie se souviendra de ces 5 semaines comme d'une source d'extase, note Charles Dupéché. Leurs différences se sont envolées. Il n'y a plus une femme de 30 ans riche mais meurtrie par la vie et un jeune homme de 23 ans pauvre et consumé par le feu de l'inspiration. Il y a surtout des êtres jumeaux, semblables par la taille, par la couleur des yeux et des cheveux, par le teint et le son de la voix. En insistant autant sur leur gémellité, parce que ce sont des termes qui lui appartiennent, Marie fait naître à l'esprit de ses lecteurs une question fondamentale, nous dit Charles Dupéché. Est-ce bien Franz qu'elle aime, et ne serait-ce pas plutôt elle-même à travers Franz ? Enfin, En juillet 1834, les voilà à Genève. C'est là qu'ils décident de s'installer, tandis que le ventre de Marie s'arrondit, maintenant sensiblement. Sa mère lui écrit encore pour la rappeler à la raison. Il est temps encore de faire machine arrière. Seulement, Marie choisit les promesses de sa nouvelle vie. Écoutons André Castelot. Leur lit n'est pas loin du piano, dit-il, et les amants vont de l'un à l'autre. Ce sont les deux pôles de leur existence. Si la plupart des aristocrates du haut se refusent à voir cette comtesse en rupture de ban et son musicien hongrois, le faux ménage reçoit des amis de Chopin et quelques Genevois. Entendre jouer Liszt est un tel régal. Entendre parler Madame Dagoût aussi. Fin 1834, leur fille, elle s'appelle Blandine, voit le jour. Elle sera surnommée Filliotte. À peu près à cette époque, dans le salon qu'elle forme autour d'elle à Genève, Marie revendique de plus en plus clairement son don littéraire. Franz n'est sans doute pas le seul artiste du couple. Reste à Marie maintenant, qui est stimulée par Franz à se frayer un chemin vers la lumière et vers le monde des lettres. Lui, de son côté, apprend qu'un certain Sigismond Thalberg est en train de devenir le nouveau pianiste à la mode. C'est certain, il doit s'imposer, il faut répondre à ce concurrent. Il décide alors de retourner à Paris, prouver la supériorité de son talent. Ce qui veut dire que ça ne va pas être facile. Il y a une séparation à ce moment-là. Ce ne sera pas la dernière pour le couple qui déjà semble entraîné par des forces contraires. L'année 1835 est aussi pour Marie l'année du début de son amitié avec Georges Sand. Georges Sand, ai-je besoin de vous la présenter, hein, cette femme écrivain, fantasque, grande séductrice, elle aussi, elles ont des connaissances communes, dont Franz Liszt, et elles se mettent à s'écrire. Les deux femmes, qui sont si différentes par bien des aspects, se jaugent, et assez vite, on peut dire qu'elles se plaisent. Et puis à la fin de l'été, elles se retrouvent avec Franz pour un séjour en Savoie. Elles vont devenir proches, elles vont devenir intimes, ce qui compte dans le lancement de la carrière d'écrivain de Marie, bien entendu, car si Georges Sand n'avait pas été là, à ce moment, les choses sans doute auraient été différentes. Alors que Franz et Marie décident de passer quelque temps à Paris pendant l'automne suivant, les deux écrivains, donc l'aspirante et la confirmée, si je puis dire, Marie et Georges Sand, vont tenir ensemble une sorte de salon. Elles y accueillent tout ce qu'il y a de brillant à l'époque. Vous avez la Sainte-Beuve ou la Menet, Chopin, bien entendu. Les relations entre ces deux femmes de caractère ne pouvaient pas rester très longtemps au beau fixe et au cours de plusieurs séjours à Nohant chez Georges Sand, Marie Dagoût, cette aristocrate quand même, qui a quelque chose de raide chez elle, Marie se heurte aux manières un peu trop franches de son hôte. Elle se heurte aussi peut-être aussi à sa façon de collectionner les amants. D'ailleurs, elle a bien peur que Franz, qui les rejoint dans le Berry, qui les rejoint à Nohant, ne soit à son tour séduit par Georges. Elle doute, elle se demande parfois si la propriétaire de Nohant, si la bonne dame, comme on l'appellera plus tard, ne correspondrait pas mieux qu'elle au pianiste, finalement. Est-ce que ce couple-là ne serait pas mieux assorti ? Finalement, les voilà qui repartent, nos deux passionnés, vers de nouveaux horizons, vers l'Italie. Marie et Franz sont encore de beaux moments au début de ce voyage. On les voit au bord du lac de Côme, dans ce qui est sans doute un des paysages les plus enchanteurs d'Europe. Lui compose, elle écrit. J'ai presque envie de dire le contraire, ce serait drôle. Elle se plonge dans la lecture de Dante, c'est un auteur qui les fascine tous les deux. Et on peut dire que leur travail se complète, que leur travail se rencontre. Ils ont une autre fille à cette époque, Cosima. Un garçon, Daniel, naîtra un petit peu plus tard, mais, disons-le, l'atmosphère, alors que passent les semaines et les mois, l'atmosphère se dégrade dans le couple. Marie est rattrapée par ses doutes, elle est saisie par une mélancolie de plus en plus présente, et comme à Genève autrefois, Franz est obligé souvent de s'éloigner pour des concerts. Il va bientôt se rendre à Vienne. Et on peut dire que l'Autriche va lui faire un véritable triomphe. Enivré par les succès, nous dit Charles Dupéché, Liszt n'a point hâte de s'arracher à la capitale autrichienne. Il propose plutôt à Marie de le rejoindre. Pour elle, c'est un coup de poignard. Elle comprend à quel point les flatteries de salon et les invitations de princesse lui font renier ses serments. Marie, qui est à Venise à ce moment-là, va tomber malade. Vous comprenez, c'est trop. Si je puis dire, elle ne peut pas accepter tout ça. Ça s'arrange quand même quand Franz vient la retrouver. Seulement, détail cruel, il est très probable qu'à ce moment-là, il lui avoue de n'avoir pas été tout à fait fidèle. Et d'ailleurs, avec un peu de... de mufleurie, si je puis dire, il va aller jusqu'à l'inciter à en faire de même. Pourquoi ne pas créer un couple libre? Vous imaginez, de l'époque dont nous sommes en train de parler. Alors, il y a des scènes, des déceptions, etc. Mais les amants veulent y croire encore. Ils s'accrochent à ce qui les rassemble. Les années s'écoulent sur fond d'aigreur croissante, sur fond de frustration. Est-ce que ça n'est pas, après tout, la destinée des grandes passions que de donner naissance à ces frustrations-là? Ils vont se lancer des remarques acerbes devant témoins, qui plus est. Et évidemment, le temps qui, dans un premier temps, pouvait un petit peu réparer les plaies. Le temps maintenant a tendance à les creuser. Marie et Franz sont bien, pour reprendre l'expression de Balzac ou de George Sand, ils sont bien tous les deux les galériens de l'amour. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. C'est une histoire d'amour que vous nous racontez cet après-midi, Franck, celle entre Marie Dagout et Franz Liszt. Alors effectivement, au fil des années, et à cause de l'éloignement des concerts de Franz, et puis des infidélités, cet amour passionné s'est un peu éteint. Ah oui, ça devient des amours houleuses, si je puis dire. Franz part toujours pour faire de nouveaux concerts à travers l'Europe. En automne 39, on n'est plus donc à Paris, puisque lui est en tournée, et elle reprend le chemin de Paris. Donc c'en est fini de l'Italie. Ce qui ne veut pas dire que s'en soit fini de leur histoire en tant que telle, mais c'est bien une page qui se tourne. À son retour à Paris, Marie travaille à la poursuite de sa carrière littéraire. Elle reçoit de nouveau les Sainte-Beuve, les Eugène Sue, etc. Elle fait aussi de nouvelles rencontres. Et petit à petit, ce personnage, ce pseudonyme qu'elle s'est choisi, Daniel Stern, va émerger dans le paysage du Paris des lettres. Elle tente aussi de renouer avec George Sand, d'ailleurs, qui depuis longtemps ne répondait plus à ses lettres. Elles vont avoir une explication, essayer de faire renaître leur amitié, mais on ne peut pas dire que ça dure tellement. Marie cherche aussi, et c'est tellement plus difficile, à renouer avec sa propre famille, toujours heurtée par cette fuite scandaleuse avec Franz. Il faut dire que ce qui lui est arrivé, ce qu'elle a fait, c'est pour la société de l'époque, le scandale absolu. Pour la mère de Marie, c'est quasiment impossible de revenir, enfin un peu petit à petit sur la pointe des pieds. Quant à son frère Maurice, il dit qu'il ne la refréquentera que si elle éloigne ses enfants adultérins, ce qui est un coup très dur pour Marie, mais elle accepte néanmoins, au moins temporairement. Elle va même, après quelques mois, pouvoir renouer des relations directes avec sa fille légitime, avec Claire, qui avait 5 ans lorsqu'elle était partie, vous savez, elle peut la revoir. Alors, qu'en est-il de la relation avec Franz? Il faut savoir que Marie, qui est bien avancée dans la trentaine, rappelez-vous la femme de 30 ans de Balzac, hein, elle a déjà des cheveux blancs, etc. Elle n'en reste pas moins une belle femme, très courtisée, il y a beaucoup de messieurs autour d'elle, et pas des moindres. Les choses vont même, avec un diplomate, aller assez loin pour qu'elle en vienne à consulter Franz sur ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. C'est une façon de le provoquer, évidemment. Le pianiste est toujours en tournée, il lui répond. Et la réponse va décevoir Marie. On ne peut pas dire qu'elle ait trompé Liszt. Mais le fait qu'il ait accepté qu'elle le fasse lui montre que finalement il ne tient plus tellement à elle. D'ailleurs, lui de son côté ne se gêne pas, bien sûr. Ça ne va pas empêcher nos deux galériens de l'amour de s'envoyer des lettres enflammées de temps en temps. Ils se revoient aussi le temps de séjours plus ou moins paisibles en Angleterre, en Allemagne, à Paris aussi, bien sûr. Il y a quand même encore des illusions qui sont là. Les ressentiments ne s'en creusent pas moins. Chacun regarde toujours plus dans une direction différente, devant sa fille Claire qui va fêter ses 14 ans, souligne Charles Dupéché, devant sa notoriété naissante et imprécise d'écrivain, Marie se sent aspirée par une nouvelle vie dont elle cherche à fixer la direction, mais elle sait intimement qu'elle la trouvera sans le soutien ni le concours de Franz. Leur relation n'a plus grand-chose maintenant pour se soutenir. Il faut quand même attendre 1844 pour que tout s'effondre vraiment. Franz va commettre l'infidélité de trop. Parce que là, évidemment, c'est très tapageur. Il a cette liaison tellement connue avec la célèbre Lola Montes. Et quand le pianiste revient à Paris, cette fois, Marie estime qu'il est allé trop loin. Elle lui ferme sa porte. Ils vont essayer de se revoir quand même. Il y aura des rechutes, si je puis dire, mais il va y avoir surtout bientôt le définitif, le véritable et le terrible adieu. Comme le relève André Castelot, Cet adieu est mis en vers par Marie. « Non, tu n'entendras pas de sa lèvre trop fière, dans l'adieu déchirant, un reproche, un regret, nul trouble, nul remords pour ton âme légère en cet adieu muet. Et tu ne sauras pas qu'implacable et fidèle, pour un sombre voyage, elle part sans retour, et qu'en fuyant l'amant dans la nuit éternelle, elle emporte l'amour. » Bonjour Charles Dupéché. Bonjour Franck Ferrand. Quel personnage cette Marie d'Agoult. Alors on va parler bien entendu de sa liaison amicale, de ses lettres avec Hortense Allard. Mais le personnage même de Marie est l'incarnation même de l'idéal romantique. Elle est la femme du romantisme. Oui, par toutes ses aspirations, par sa vie très libre, par les fréquentations qu'elle a eues, par son mode de vie, par son œuvre. Elle est vraiment, en effet, une des grandes incarnations du romantisme. La liaison avec, pour clore, si je puis dire, ce terrible chapitre décennal, ça a duré à peu près 10-11 ans, leur liaison avec... On peut dire qu'elle a duré au moins 11 ans, oui, enfin une partie secrète, oui. Et une partie officielle. Et la partie secrète a été la plus belle de loin, la plus exaltante, et puis ensuite, ça a été une liaison très orageuse, très mouvementée, très romantique encore une fois. Est-ce que Franz Liszt a été aussi amoureux de Marie d'Agoult qu'elle l'a été de lui? Oh, je pense, franchement, et d'ailleurs au moment de la rupture, quand Marie d'Agoult a fermé sa porte à Franz Liszt, lui ne s'y attendait pas et croyait vraiment pouvoir tout rattraper. Il s'est vraiment battu pour la convaincre de rester sa femme, entre guillemets, mais elle n'en pouvait plus. Alors, ils ont eu 3 enfants quand même. Daniel qui va mourir, lui, le garçon qui va mourir à l'âge de 20 ans, il va mourir de la tuberculose. Mais il y a 2 filles dont il faut parler. Cosima, on la connaît, cette Cosima, c'est un personnage historique. Oui, elle va mourir d'ailleurs très très âgée. Cosima a épousé en seconde noces Richard Wagner et toute la famille Wagner en descend. Ouais, c'est quand même extraordinaire. Donc les actuels Wagner descendent de la fille de Marie d'Agoult et de Franz Liszt. Oui, c'est quand même assez extraordinaire. Et l'autre fille, Blandine, a eu le bonheur d'épouser... Voilà. Émile Ollivier, le dernier président du conseil de Napoléon III. L'homme de ce qu'on appelle l'Empire libéral. Exactement. Donc la fin du règne de Napoléon III dans les années 1860. Elle devient donc Madame Ollivier. Elle est l'épouse du président du conseil. Blandine, oui. Sauf qu'elle meurt elle meurt avant quand même. Malheureusement, elle meurt des suites d'une couche en 1862. Mmh. Donc juste avant que son mari n'accède aux plus hautes responsabilités. Voilà. Alors en tout cas... On ne peut pas dire que ce couple de la passion ait été un couple stérile sur le plan biologique, nous venons de le voir, et puis aussi et d'abord sur le plan artistique. Ils étaient faits pour s'entendre sur ce terrain. Oui, et je regrette que leur retrouvaille n'ait pas été possible parce qu'ils avaient tout pour mener encore un long parcours ensemble. Mais Marie d'Agoult a fait une erreur dans sa vie, c'est qu'elle a publié un roman sous le titre de Nélida, juste après la rupture. Elle a réglé ses comptes à Liszt dans ce roman, et lui l'a très mal pris, et ça a été une blessure définitive. Oui, là, à partir de là, ça n'est plus seulement une séparation, c'est une rupture au sens fort du mot. Liszt a été, évidemment, le personnage. On avait fait une émission sur lui, où nous étions permis, avec Alain Duhaut, de le comparer à une rockstar d'aujourd'hui, parce que c'était véritablement ça. Il mettait les capitales qu'il traversait en révolution, littéralement. Il y avait vraiment des foules qui l'attendaient à la sortie de son hôtel. C'était vraiment... Et dans les journaux de l'époque, on parlait de ses moindres faits et gestes. Il était nettement plus jeune que Marie. Il avait six ans de moins. Et elle a accusé son âge par des traits assez marqués, par des cheveux qui ont vite blanchi, etc. Oui, mais elle était de la vie de tout le monde. Elle est restée très très belle jusqu'à la fin de sa vie. Mais elle avait ce qu'on appelait à l'époque un physique viril. Oui. C'était une femme à poigne quand même. Un physique viril et lui une silhouette androgyne, ça faisait un couple romantique parfait, évidemment. Alors, nous allons laisser un peu Liszt de côté, si je puis dire, pour revenir sur l'existence de Marie elle-même. Qui était-elle, cette Marie d'Agoult, et comment devient-on la femme du scandale? C'est peut-être ça aussi la question, parce que nous avons vécu le scandale sans le comprendre pour le moment. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous emmenez au cœur de l'histoire d'une femme cet après-midi, une figure du 19e siècle, Franck. Marie Dagout, nous allons plus loin et nous allons la découvrir grâce à son biographe, Charles Dupéché. Il est l'auteur d'Hortense et Marie, une si belle amitié, 1838-1876, paru chez Flammarion. Et Charles Dupéché établit également l'édition de la correspondance de Marie Dagout. Combien de volumes au total, cette correspondance ? J'en prévois 15. Elle écrivait, cette femme. Énorme. C'est énorme, sa correspondance est passionnante en plus. Variée. Très variée et une correspondance de haut vol. C'est pas une correspondance de la vie domestique. Loin de là, oui, non, bien sûr. Ce sont de vrais échanges qu'avait Marie Dagout avec ses illustres correspondants, car certains sont très célèbres, évidemment. Oui, oui. Tous les grands hommes de l'époque ont correspondu avec elle, politiques, écrivains, artistes. Plus de 8000 lettres. Prochain volume, donc, début de l'année prochaine, c'est ça? Oui, oui, le 7 sort l'année prochaine. Alors, si l'on veut se faire une idée de Marie Dagout, où trouve-t-on son portrait, si je puis dire? Il y a des portraits qui ont été faits d'elle, par Ingres, notamment. Hein. Alors, ce portrait, ce magnifique dessin est en collection privée, malheureusement. Mm-hmm. Mais vous avez énormément... Mais qu'on peut trouver quand même assez facilement. Ah, il est reproduit absolument partout. Oui. Mais elle a été vraiment, oui, portraiturée par tous les grands. Théodore Chassériau, le dessin est au Louvre, celui-là. Lorenzo Bartolini, qui est un grand sculpteur italien, élève de Canova, a fait son buste, qui est aussi en collection privée. Mais vous, De Veria, et Henri Lehmann, magnifique portrait au musée Carnavalet, qui la représente et qui est très souvent reproduit. Cette femme a tellement été au cœur de son temps, elle a tellement servi de muse, si je puis dire, qu'on la retrouve, je parlais tout à l'heure de Béatrix, du roman de Balzac, on la retrouve aussi sous la plume de Georges Sand. Georges Sand lui a dédié Simon, un de ses romans. Oui. Et puis déborder de ce cadre, beaucoup d'artistes lui ont dédié des œuvres. Des musiciens, par exemple. Alors, Berlioz lui a dédié une cantate, Chopin, ses études au plus de 25. Oui, c'est énorme, les œuvres qu'elle a inspirées. Et vous êtes passionné par cette égérie du romantisme depuis très longtemps, hein, Ça fait plus de 30 ans que je travaille sur Marie Dagout. Oui. Pourquoi, d'ailleurs, je peux vous demander ce qui vous a séduit chez cette femme? Justement, parce que si vous vous intéressez au 19e siècle, vous la rencontrez partout. Oui. Hugo, Balzac, encore une fois, tous les hommes politiques, le prince Napoléon l'a beaucoup fréquenté, elle est absolument partout. Alors, quelques mots quand même de ses origines. D'où vient-elle? De quelle famille quand même? Elle a déjà une famille, comme on dit aujourd'hui, compliquée, dans la mesure où son père est un aristocrate pur jus, mais complètement désargenté, et sa mère est une fille de banquier protestant de Francfort. Mmh. Donc elle est vraiment née au confluent des deux cultures. On comprend que la maman ne soit pas très contente lorsqu'elle accueille sa fille et que celle-ci lui annonce qu'elle a quitté son mari, ses enfants, sa position, toute sa situation pour suivre un concertiste. Oui, mais c'est quand même, on est quand même déconcerté parce que la propre mère de Marie Dagout n'a pas une vie absolument exemplaire, puisque pour épouser le comte de Flavigny, qui était emprisonnée à Francfort pour dette d'argent, elle s'est fait enfermer toute une nuit dans la cellule pour que on la découvre le matin, et comme le poteau rose a éclaté, on a été obligé de les marier. Mmh, oui, donc après tout... Qu'elle balait déjà devant sa porte, cette dame, n'est-ce Exactement. Pas? C'est ce que vous dites. Marie Dagout va tenir tôt, lorsqu'elle devient comtesse Dagout, elle tient tôt un salon. Salon où elle accueille dans un premier temps des artistes d'abord et avant tout. C'est, essentiellement des artistes. La politique ne l'intéresse pas, vu le milieu dont elle est issue. Politique. On ne parle pas de politique. Non, surtout pas chez les femmes. Oui. Donc elle reçoit ces grands hommes, c'est Alfred de Vigny qu'elle a failli épouser. Mais le mariage ne s'est pas fait parce que Vigny n'avait pas assez d'argent. Et la famille l'a rejeté. Et puis Eugène Sue, qui est un de ses premiers amis aussi. Ce salon joue un rôle dans la vie littéraire, en tout cas dans la vie artistique plutôt de ce premier tiers du 18e, du 19e siècle. La première partie du salon joue un rôle, puisque même Vigny a écrit un poème célèbre qui s'appelle La Frégate, qu'il a lu dans son salon. Et puis, il n'y a pas d'œuvres marquantes qui sont associées à ce salon, mais tous les grands hommes qui ont passé ont laissé trace. Quand elle revient après sa grande escapade que nous venons de raconter, quand elle revient à Paris, elle ose rouvrir un salon. Là, le scandale est double, si je puis dire. Les gens y viennent néanmoins assez petit vite. Petit à petit. Oui. Enfin, elle a Les artistes, ça fait pas de problème, ils se fichent totalement de sa vie privée. Dans le milieu aristocratique, elle va quand même trier beaucoup et ne garder qu'une poignée d'hommes un peu plus ouverts que les autres. Et là, on se met à parler de philosophie, à parler de la société, à parler de politique. Et surtout, la politique, c'est sous l'influence de Lys qui avait des idées humanitaires. Lys qui était quand même un grand visionnaire et il a entraîné Marie Dagout vers la philosophie de Leroux, de Lamennais. Il l'a poussée à écrire elle-même. Si, d'une certaine façon, puisque tous les premiers écrits de Liszt, Marie Dagout les a quand même corrigés et remis en ordre. Et les historiens d'ailleurs se bagarrent encore aujourd'hui pour savoir qui est de Liszt, qui est de Marie Dagout. Ouais. Donc ce Daniel Stern, d'une certaine manière, doit un peu aussi à Liszt. Elle va en faire vraiment son idéal. Elle veut devenir écrivain. Le modèle de George Sand, d'une certaine manière. Évidemment, elle est hantée par le modèle de George Sand et de Madame de Staël. Qu'est-ce que, en dehors de cette correspondance monumentale que vous êtes en train d'éditer, Charles Dupéché, qu'est-ce qu'on peut lire d'elle? Quel est ce... Il y a deux ouvrages principaux qu'on peut trouver. C'est d'abord ses Mémoires et souvenirs qui sont toujours disponibles au Mercure de France. Et puis son Histoire de la Révolution de 1848, qui est un livre de référence pour les historiens. Oui. Parce que là, on peut dire que non seulement elle a vu ce dont elle parle, mais elle a connu les acteurs du drame. Oui, et elle a fait un travail extraordinaire de reporter. C'était une des premières. C'est-à-dire qu'elle a pris, elle a recueilli tous les témoignages qu'elle pouvait et essayé d'être le plus objectif possible. Entre Marie Dagout et Victor Hugo, on a une vision stéréoscopique de ces événements de 1848. Hein, ça a été. De toute façon, tous les grands acteurs de cette époque ont laissé des mémoires. Et bien sûr, Lamartine, Louis Blanc, tous laissé leur marque. Alors, parmi les lettres les lettres captivantes de Marie Dagout, il y a celle qu'elle échange avec Hortense Allard. Et à partir de là, vous avez carrément écrit un ouvrage qui s'appelle tout simplement Hortense et Marie, sous-titré Une si belle amitié. Une amitié qui va durer quand même pendant près de 4 décennies, de 1838 à 1876, donc À la mort de Marie, puisque c'est Hortense qui va lui survivre. Et cette amitié entre deux femmes que tout distingue d'une certaine manière, mais que certains traits de caractère rapprochent, cette amitié nous permet de balayer ce 19e siècle que vous aimez tant. Nous revenons à ce livre et à cette relation ensemble dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est une femme que nous découvrons cet après-midi, Franck, grâce à vous et grâce à votre invité qui est son biographe, le biographe de Marie Dagout, c'est Charles Dupéché. Il est également l'auteur d'Hortense et Marie, une si belle amitié, 1838-1876, un livre paru chez Flammarion. Très joli livre, tout en finesse, tout en relief. Il vous ressemble ce livre, Charles Dupéché. Qui était Hortense Allard? Expliquez-nous. Alors moi, je suis fasciné par cette femme qui n'est pas un grand écrivain, qui écrit beaucoup de livres malheureusement illisibles aujourd'hui, tellement brouillon, tellement désordonné, mais une femme d'une générosité, d'une bienveillance, d'un appétit de vivre absolument communicatif. Oui, elle était plus gentille, si je puis dire, et plus abordable que ne l'était Marie Dagout, incontestablement. Alors, c'était vraiment quelqu'un de très gentil, foncièrement gentil et bienveillant. Alors que Marie, elle, a un tempérament plus altier. Elle est assez froide, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. En fait, vous avez raison. Marie, c'est une grande intelligence, surtout. Un esprit aigu, pointu, qui voit tous les défauts, qui voit toutes les qualités, un esprit qui analyse très très bien. Alors qu'Hortense est dans tout à fait dans l'impression, dans le sentiment. C'est ça. La tête et le cœur, d'une certaine manière. Oui, c'est très bien vu. Et elles échangent néanmoins avec passion. C'est une véritable correspondance d'idées. C'est-à-dire que ce ne sont pas des potins que s'échangent ces deux dames. Parce que et en plus, tout les oppose. Ça, on peut le dire. Parce qu'autant Marie... Déjà, la politique. La politique est très présente dans leur correspondance, puisque Marie Dagout est une républicaine ouverte aux idées nouvelles. Hortense est une affreuse réactionnaire, qui ne rêve que d'ordre, de police, qui est contre la liberté de la presse, qui veut museler tout ça. Et malgré cela, elles se tiennent en grande estime. C'est amusant d'ailleurs, on voit ça dans bien des cas, on pourrait citer un nombre infini d'exemples. La femme douce, bonne, gentille, qui est pour un régime d'ordre très dur, et la femme plus froide, plus altière encore une fois, plus difficile d'abord, et qui ne rêve que de république universelle et de fraternité générale. C'est assez étonnant. Oui, surtout quand Hortense, en plus, dans sa vie privée, a eu un grand nombre d'amants. Alors, oui. C'était une femme extrêmement accueillante. Elle a eu un grand nombre d'amants. Elle a vécu, elle, une vie très libre. Ça les rapproche d'ailleurs. C'est ce qui les a rapprochés. Il y a cette même aspiration, disons. Hein. Leur liberté au premier plan pour toutes les deux. Elles ont eu des enfants hors mariage, toutes les deux, et elles voulaient d'abord vivre comme elle l'entendait. Mais avec une énorme différence, c'est que Hortense a collectionné les amants, ce que n'a pas du tout fait Marie, qui était la femme d'une seule passion, d'un seul mariage évidemment. Et on a vu d'ailleurs l'hommage qu'elle rend à son mari. Elle est la première à regretter qu'il ne puisse lui inspirer la passion qu'elle a mis sur la tête de Franz Liszt. Et puis c'est tout, j'allais dire, chez Marie Lagoon. Oui, il n'y a pas eu d'autres hommes dans sa vie. Tandis qu'Hortense a multiplié vraiment les amants. Elle avait des besoins physiologiques. Comment se rencontre-t-elle? Racontez-nous ça. C'est lors du voyage de Liszt et de Marie Lagoon à Florence. Hortense y habite déjà depuis plusieurs mois parce qu'elle est venue se réfugiée à la suite de déboires sentimentaux qui l'ont vraiment déchirée. Et elles ont déjà entendu parler l'une de l'autre. Hein. Donc la prise de la rencontre est facilitée par ça. Et elles deviennent assez vite proches pendant un mois de fréquentation assidue à Florence. Vous avez travaillé à partir de la correspondance essentiellement. Quels sont les autres éléments? Est-ce qu'elles font du bruit, ces deux femmes? Et est-ce que d'autres témoins nous parlent d'elles à l'époque? C'est-à-dire qu'elles ont beaucoup parlé, Marie Lagoon parle d'Hortense à beaucoup d'autres correspondants et l'inverse aussi. On peut, dans leurs correspondances respectives, aller trouver des éléments qui permettent de nourrir une biographie croisée, d'une certaine façon. Exactement. Et ce qui est très agréable, c'est de voir qu'elles sont fidèles. C'est-à-dire que, vous savez, parfois, on débine, entre guillemets, ses amis dans les lettres à autrui. Et là, on ne trouve jamais de détails malveillants de l'une et de l'autre. Oui, on peut même dire que elles sont d'une grande pureté de ce point de vue. Ce sont de belles âmes. Oui, de belles âmes totalement transparentes l'une vis-à-vis de l'autre. Elles se disent tout en vérité, avec beaucoup de retenue, mais sans fard. Est-ce que ces femmes sont représentatives de ce qu'étaient de grandes bourgeoises de cette époque du milieu du 19e siècle? Non, elles sont vraiment à l'avant-garde. Eh oui. Par les mœurs. Quand on pense que Hortense, qui avait un fils de 18 ans, rêvait qu'il soit déniaisé, si j'ose dire, par Marie Lagoon. C'est quand même très audacieux pour l'époque. Ouais, et encore aujourd'hui. C'est drôle. En même temps, il y a une vraie très grande complicité entre elles, mais qui reste de bonne tenue toujours. Il y a beaucoup de tenue dans tout ça, en fait. Oui, jamais elle ne s'abaisse à la vulgarité. Absolument jamais. Ouais. Elles se taquinent beaucoup, elles se mettent en boîte et chaque fois c'est reçu avec beaucoup de panache. Alors vous ne nous avez toujours pas raconté, si je puis dire, la vie d'Hortense Allard en quelques mots. Hortense, elle sort d'un milieu bourgeois, elle a perdu ses parents assez jeune et elle a toujours dû se débrouiller dans sa vie toute seule. Donc comme je vous l'ai dit, elle a eu deux fils, elle n'a pas voulu épouser les pères parce qu'elle, dit-elle, elle ne les aimait pas, c'était des nuits purement hygiéniques et donc elle a assumé ses maternité. Et ce qui est touchant aussi, c'est vous dites ça évidemment, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était d'une hardiesse folle. Folle parce qu'elle n'était pas mise au rebut de la société en plus. Et ce qui est aussi troublant, c'est que quand elle a eu des problèmes d'argent tout au long de sa vie, eh bien elle faisait appel à ses anciens amants qui accouraient tout de suite à son secours. Ce qui prouve qu'elle était bonne et que justement il n'y avait pas eu de... Elle était d'un fond excellent. Il n'y avait pas eu de violence entre eux. Non, elle ne laissait que de bons souvenirs. C'est ça, ouais. Elle va survivre, Hortense va survivre à Marie. Elle va avoir, au contraire de Marie qui a une vieillesse très difficile, déchirante, Hortense va s'éteindre paisiblement, près de la nature qu'elle aimait beaucoup. Est-ce que, c'est peut-être une impression que j'ai simplement, mais c'est aussi le fait qu'elles aient pris l'une et l'autre beaucoup d'âge avec le temps et donc un peu elles se sont calmées, mais on a l'impression que les années de la monarchie de Juillet, cette grande et belle époque de leur rencontre d'ailleurs, on est au cœur du règne de Louis-Philippe, étaient d'une certaine manière plus propices au grand transport que les années suivantes du Second Empire et des débuts de la Troisième République, a fortiori. Oui, si l'on peut dire, toutes les deux sentaient bien que ce régime n'allait pas durer de toute façon. Alors, Hortense rêvait à la restauration de l'Empire, Napoléon Ier, un régime fort, et Marie, qui fréquentait beaucoup Lamartine aussi à cette époque, rêvait de République. Et c'est, en fait, on pourrait presque dire que ces femmes ont trouvé dans cette amitié réciproque un véritable soutien dans leur vie. Oui, tout à fait. Parce que quand il y a eu des périodes où elles se sont moins écrites, elles ont repris la plume très facilement, comme si le temps ne s'était pas arrêté. Oui. Merci beaucoup, Charles Dupéché, d'avoir fait revivre ces deux femmes d'exception à l'avant-garde d'un 19e siècle qui nous réserve à chaque fois des surprises. Hortense et Marie, une si belle amitié. Cette amitié qui va donc se dérouler au fil des lettres, notamment de 1838 à 1876. Votre ouvrage est publié chez Flammarion. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est un château que nous allons visiter maintenant. Un château de la famille Dagout avec Lorena Martin. Ah oui, vous nous emmenez au château d'Arpaillargues. Alors, je crois qu'il faut le dire tout de suite, Marie Dagout n'a pas passé un temps fou dans cette maison-là. Elle y est très rapidement passée en 1828. C'était un an après son mariage. Elle a fait un voyage dans le Midi avec son mari. Mm-hmm. Le comte souhaitait en réalité lui montrer le berceau de son enfance, le lieu où il avait grandi. Puisque en fait, c'est la famille du mari, exactement. Et Marie Dagout, on dit qu'elle aurait peut-être dormi une nuit en compagnie du comte, mais on n'en a vraiment aucune preuve. Le château donc a appartenu un temps à la famille Dagout dès les années 1647 et jusqu'en 1807, lorsque le père du comte Dagout, lui-même comte Dagout, a vendu le château d'Arpaillargues pour des raisons financières. Ils étaient vraiment désargentés. Alors, et c'est la raison pour laquelle vous nous parlez de cette merveilleuse maison, c'est que le site est tout à fait extraordinaire. Les lieux méritent vraiment d'être vus. On est à quel endroit à peu près? Kilomètres à l'ouest d'Uzès, dans le Gard, et on est au cœur de la campagne de Luzège. C'est à une vingtaine de minutes d'ailleurs du pont du Gard que les nos auditeurs peuvent d'ailleurs aller voir. Bien sûr. Et donc, après la famille Dagout, le château a connu différents propriétaires qui se sont succédés, et c'est la famille Savry qui le possède depuis 1973 et qui l'avait acheté donc à l'écrivain et journaliste François Nourricier. Mmh. Vous vouliez parler de François Nourricier, en fait, oui, c'est ça, Charles Dupéché. François Nourricier a habité cette demeure. Ah oui, et quand il habitait un lieu, c'était pleinement. Il savait faire vivre son univers, François Nourricier. Et c'est la famille Savry, ensuite, qui l'a donc transformé donc, en hôtel. C'est un très beau logis seigneurial typique de Provence, qui date des XVIIe et XVIIIe siècles, une belle bâtisse en pierre. Donc les pierres sont toujours apparentes, ce sont vraiment de beaux murs de pierre très épais. Il y a deux bâtisses, le château, qui est la partie principale sur trois niveaux, avec un magnifique escalier monumental des XVIIe et XVIIIe siècles, on peut encore voir. Et l'aile du château, qui est une ancienne magnanerie où on élevait les vers à soie, qui était vraiment typique de la région aussi. Et les chambres possèdent... La culture du verre à soie, c'est fondamental dans toute cette région. Complètement. Et les chambres possèdent de vieux murs en pierre apparente. Elles offrent toute une vue sur le jardin, la cour d'honneur du château ou les toits du village, avec au loin ce duché d'Uzès qui domine. Il y a des chambres pour des couples, des chambres pour les familles, et certaines ont des belles hauteurs de sous-plafond, des moulures. C'est vraiment très beau. Vous pourriez nous faire un livre sur la duchesse d'Uzès, d'ailleurs, Charles Dupéché. C'est un personnage passionnant. C'est un personnage qui vous irait bien, j'allais dire. Un restaurant également? Voilà, un restaurant qui porte le nom Marie Dagout. En petit clin d'œil, bien sûr, puisqu'ils ont conscience quand même que Marie Dagout a vraiment fait un passage furtif. Et son chef, c'est Philippe Houy. C'est une cuisine gastronomique et méditerranéenne avec des produits frais, locaux. Et le menu change vraiment toutes les trois semaines et suit les saisons. C'est assez amusant de voir que cette pauvre Marie Dagout est venue donc quelques jours au château d'Arpaillargues, c'est le nom du château d'Arpaillargues à côté d'Uzès. Elle n'est pas venue donc bien longtemps et néanmoins elle a laissé son nom. Elle fait partie, Charles Dupéché, de ces personnalités qui restent d'une certaine manière et qui sont emblématiques. C'est une figure emblématique, Marie Dagout. Oui, je suis ravi, d'autant plus que toutes les demeures où elle a habité ont disparu. Elle a autant, Georges Sand l'a gardé nos rangs. À Paris, où tenait-elle? À Paris, elle a souvent déménagé parce qu'elle a été expulsée. Dans la Nouvelle-Athènes, là-bas? Elle a été un peu dans la Nouvelle-Athènes. Elle était surtout dans le 8e arrondissement, dans le 16e, les quartiers chics de l'époque, évidemment, parce qu'elle avait un certain train de vie. Mais tout a été, avec Haussmann, tout a été remodelé, tout a disparu. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui se rendre dans un des lieux qu'a fréquenté Marie Dagout, ou en tout cas, dont elle a été l'âme. Non. Les fameux salons de Marie Dagout, Ils ont tous disparu. Oui, on est obligé de les imaginer, on ne peut plus les fréquenter. Il y en a d'autres, en revanche, hein, qui sont restés. Je parlais de la Nouvelle-Athènes, c'est quand même le grand quartier de l'époque. Et là, on a un certain nombre de beaux exemples de demeures et d'hôtels particuliers dans l'esprit de ces romantiques et de Marie Dagout. Merci beaucoup Charles Dupéché, merci beaucoup Lorena Martin. Vous avez envie de donner envie de, d'échapper à la neige, quoique si j'ai bien compris, il y a la neige aussi là-bas en ce moment. Alors c'est comme ça. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous nous ramenez aujourd'hui, Franck Ferrand, aux origines du Charleston. Ah non, le Charleston. On va en savoir plus sur cette danse qui apparaît quand ? Ah ben, elle apparaît au début du XXe siècle. On est dans le sud des États-Unis, bien sûr. C'est la communauté afro-américaine qui va faire résonner ces accents-là. Le Charleston, d'ailleurs, ça vient de la ville de Charleston, hein, la ville coloniale de Charleston, fondée en 1670 par les Anglais. Charleston, c'est en Caroline du Sud. Alors, la danse en question est directement inspirée de la Jouba, qui est une danse du Congo, qui était pratiquée dans les plantations de coton, danse qui était pratiquée par les esclaves, par définition. Vous savez, on travaillait dur, en cadence, en musique et parfois donc en dansant. Alors, le grand public découvre comment ce Charleston là ? Alors, pour la première fois, la danse a été présentée en public, si on peut dire, au New Amsterdam Theater de New York. C'était en octobre 1923, donc relativement tard quand même. Hein. Mmh. Il y avait une comédie musicale qui s'appelait Running Wild. Et dans cette comédie musicale, il y avait un morceau qui avait un succès tout particulier. Et donc, c'était un morceau de Charleston. Et le grand public lui-même ne va découvrir le Charleston que grâce à la musique elle-même, la musique de James Johnson qui accompagnait Running Wild et qui s'appelait The Charleston, tout simplement. Ça c'est pour les États-Unis, mais oui, en France. Oui, pour les États-Unis, mais même le monde hein, d'une façon générale. Pour le monde entier, et en France ça apparaît quand le Charleston ? Alors, en France, évidemment, vous me voyez venir, j'allais dire avec mes gros sabots ou pieds nus comme vous voudrez, parce que... Vous allez parler d'une femme encore. Évidemment, on va parler de Joséphine Baker, hein, de la Vénus Noire, comme on l'appelait, qui se produit au Théâtre des Champs-Élysées en octobre 1925, dans la célèbre revue Nègre. Mmh. Scandale incroyable, la danse sauvage de Joséphine Baker est un succès. Elle va faire tourner bien des têtes et le public français est conquis. Alors attention, oui. Je vais vous poser une question très pratique. Comment ça se danse, ah ben, le Charleston? Comme Joséphine, hein, les pieds rentrés, les genoux fléchis, un déplacement lent du poids du corps d'une jambe sur l'autre, tandis que les bras, eux, se balancent d'avant en arrière. Enfin, vous voyez bien comment on danse le Charleston. Vous allez nous faire une démonstration, d'ailleurs, oui, certainement, pas. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle représente, cette danse? Eh bien, c'est une contre-culture, d'une certaine manière, puisqu'elle a d'abord été popularisée en pleine période de la Prohibition aux États-Unis, dans les bars clandestins. Le Charleston, c'est aussi le symbole d'une révolution sociale, puisque c'est la première fois que les jupes des danseuses se raccourcissent, et ça n'était pas le moindre des charmes, évidemment, de cette mode-là et de cette danse. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.